Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Tacite. Le règne est un grand règne, Trajan. Et l'histoire conservera ton nom. Oh, l'histoire. Qu'importe un nom si les hommes restent les mêmes. À quoi sert de lutter si ce n'est pour vaincre ? Vaincre quoi ? La bêtise, Tacite. C'est sous Trajan, nous sommes du côté de l'an 100, que Tacite écrit le plus paisiblement. Enfin, un moment où il peut dire ce qu'il pense. L'essentiel de son existence, il avait dû adopter une conduite de précaution. Qu'après l'agrandissement de l'espace romain, l'Empire était nécessaire, il en convenait. Mais il constatait aussi que le pouvoir, quand il était personnel, se pervertissait plus vite et se transmettait plus difficilement. C'est ce qu'il voulait enseigner quand il écrivait, car pour lui, l'histoire était chose grave dont on pouvait tirer des leçons pour le présent. En même temps, il ne se faisait pas d'illusions sur les effets des dites leçons. Les hommes étant bien trop prêts à l'esclavage, la même noria tourne sans cesse, qui les y plonge régulièrement. Après le règne de Trajan, qu'il vécut comme un entracte, le vieux Tacite était sans doute appelé à finir dans une tristesse grandissante, mais continuait de gronder en lui une sourde révolte. Catherine Salle, bonjour. Bonjour. Nous dirait que c'est bien que l'historien garde le goût de la pureté en lui. Alors, exposition auguste inaugurée à grands sons de trompes et de tweets au Grand Palais, et puis, plus discrète, la publication des œuvres complètes chez Bouquin Lafond, et trois des livres qui sont présentés dans ces œuvres complètes sont traduites, Catherine Salle, par vos soins. Tout à fait. Pas facile, hein, le latin de Non, c'est de même Tacite, très difficile. Tous les élèves, même les étudiants, gardent des souvenirs amers, parce que faire une version de Tacite, c'était pas donné à tout le monde. Mais alors, quand votre éditrice vous disait c'est trop compliqué, là, elle vous a dit ça parfois? Oui, parfois, elle trouvait que ce n'était pas très clair. Mais je lui disais, malheureusement, c'est Tacite qui écrit comme ça. Il aime bien ne pas être clair, d'ailleurs. Hein, l'obscurité lui fait plaisir. Alors Tacite, on va parler de sa biographie. Il y a des obscurités dans sa biographie, mais de temps en temps de vives clartés. On est presque sûr maintenant qu'il est bien de chez nous. Oui, il est probablement né à Vaison-la-Romaine. C'est drôle parce que sur le site de Vaison-la-Romaine, on ne met pas en avant le nom de Tacite. Non, mais parce que pendant longtemps, on ne savait pas très bien où il était né, mais maintenant il est de plus en plus sûr qu'il est né, en tout cas en Gaule narbonnaise, et très probablement à Vaison-la-Romaine. C'est donc un homme qui, par sa famille ce sont des notables de la ville, appartient à ces générations de provinciaux, puisque ce sont des provinciaux, mais qui sont très fiers d'avoir la citoyenneté romaine, et qui font tout pour à la fois honorer Rome et honorer leur patrie. Alors c'est l'époque où le Midi de la France, je ne veux pas dire que ça a changé maintenant, incarne la vertu en politique. Tout à fait, c'est la Gaule narbonnaise, donc qui va du Rhône jusqu'aux Alpes, c'est la grande vertu. Et la grande vertu est aussi à cette époque-là, l'époque où Tacite vit, le talent littéraire, puisque de très grands orateurs dont nous n'avons plus les œuvres étaient de cette région-là, étaient gaulois, mais de la région de Vaison-la-Romaine ou de Fréjus, enfin de cette région. Dans la famille vertueuse de Tacite, on entend avec effroi les échos du règne de Néron. Il naît pendant le règne de Néron, les échos de ce qu'on pourrait appeler l'année terrible, quand quatre empereurs se sont succédés, tous se trucidés les uns après les autres, ou presque. Il arrive à Rome ensuite, c'est plus le temps de l'éloquence du combat politique. Mais vous traduisez un texte dont on est à peu près assuré maintenant qu'il est de lui, le dialogue des orateurs, où on voit comment les jeunes Romains de la future classe sénatoriale, ceux qui voulaient entrer au Sénat et accéder à de hautes fonctions, se perfectionnaient dans l'art oratoire. Oui, parce que, et ça Tacite l'explique très bien, il dit à l'époque républicaine, les jeunes gens qui voulaient devenir, faire une carrière, se perfectionnaient dans l'art oratoire en écoutant les autres, dans les luttes politiques, dans les procès. Mais tout ça a disparu à l'époque de Tacite. Donc, les jeunes gens vont suivre l'école des rhéteurs. Les rhéteurs, ce sont les spécialistes de la rhétorique, ce sont des professeurs, tout simplement. Et ils apprennent une rhétorique qui est très artificielle, parce qu'ils doivent prononcer des discours. Alors, il y a deux types de discours. Il y a les suasoriae, dans lesquels il faut persuader quelqu'un de faire quelque chose. Moi, j'ai connu ça dans le temps avec les rédactions qu'on nous faisait faire en classe, où il fallait s'adresser à un personnage historique et lui persuader de faire quelque chose. Vous n'avez que de mauvais souvenirs, au fond, de vos études, des versions latines, des rédactions, oui. Et puis, il y a un autre genre. Et puis, alors, il y a l'autre, qui est le fait de conseiller à un personnage historique, toujours, de faire telle ou telle chose. Alors, le personnage historique, ça peut être Hannibal, ça peut être des personnages anciens. Donc, c'est très... c'est très stéréotypé, ce genre de d'éloquence. C'est codé, on joue même avec les mains. Ah oui, il y a les mains, il y a le pli de la toge qui doit être de telle ou telle façon, et on fait des auditions du jeune garçon. Il y a tous ses camarades qui sont là, plus tous les parents. Alors, quand le garçon réussit sa performance, ses parents sont très fiers. Mais si par hasard il se fait huer par ses camarades, c'est moins intéressant. Ainsi doté d'une bonne formation, on en trouve donc les traces dans ce dialogue des orateurs, un de ses premiers textes, il épouse une fille de bonne famille, la fille d'Agrippa, oui. qui est née à Fréjus. Fréjus, je ne parle pas d'aujourd'hui, hein, je parle d'autrefois, c'est un exemple de vertu en politique. Oui. Et Agrippa, en tout cas son gendre, le présente comme étant le Romain idéal de l'époque, puisqu'il est à la fois, il a un caractère et un tempérament modéré, c'est un très bon général, il le montre dans l'Agricola, et c'est aussi un très bon administrateur, puisqu'il va refuser les pots de vin et tout ce que faisaient les autres auparavant. De Fréjus, je vous dis. Voici donc le portrait d'Agricola, qui s'est illustré en Bretagne, enfin ce qu'on appelait à l'époque la Bretagne, une fois, deux fois, trois fois, et où il réussit si exactement qu'il va s'attirer la jalousie de l'empereur Domitien, dont la paranoïa croît au moment où Tacite écrit dans les années 90. Ses richesses, sans être immenses, suffisaient à son rang. Heureux de voir sa fille et sa femme lui survivre, heureux aussi d'avoir conservé sa dignité, l'éclat de sa renommée, ses amis et ses proches. Il avait encore le bonheur d'échapper à l'avenir. Agricola n'a point vu le palais du Sénat assiégé, cette auguste assemblée investie de soldats, l'horrible massacre de tant de consulaires égorgés à la fois, l'exil et la fuite de tant de femmes illustres. Les délations de Messius Carus n'avaient remporté qu'une victoire. Le comble de l'horreur sous Domitien, c'était de le voir et d'en être vu, lorsqu'il comptait nos soupirs, lorsque, avec ce visage féroce dont la rougeur le préservait de la honte, il observait curieusement la pâleur de tant de victimes. Pour vous, ô Agricola, votre bonheur n'est pas seulement dans la gloire de votre vie, mais dans cette heureuse fatalité de votre mort. Il meurt à temps, parce que après, Tacite va devoir, ce qu'Agricola avait fait aussi, retournant à Rome, étant jalousé par Domitien, faire profil bas. C'était une obligation dans laquelle se retrouvaient les sénateurs. Tous les sénateurs, tous les hommes importants. On était donc sous le règne de Domitien. Les premières années du règne de Domitien avaient été à peu près correctes, mais bien entendu, il n'a jamais été aussi vertueux, si l'on peut dire, que son frère Titus ou son père Vespasien. Il a fait cependant des choses importantes, hein, Domitien. Mais il est petit à petit tombé dans une sorte de paranoïa où il imaginait que tous les gens qui étaient autour de lui en voulaient à sa vie. Il avait fait tapisser les murs de son palais de pierres réfléchissantes pour voir si personne n'arrivait derrière lui pour lui envoyer un coup de couteau. Il avait peur de tout. Et du coup, il était devenu d'une cruauté et d'une susceptibilité épouvantables. Et Tacite, effectivement, il est tout jeune à ce moment-là, Tacite, va accomplir sa carrière des honneurs, c'est-à-dire accéder aux différentes magistratures, en ne heurtant pas le pouvoir, parce que s'il aurait heurté le pouvoir, il était exécuté, ça c'est certain. Mais il va lui aussi commander des légions à l'extérieur. Oui, il a été, au début de sa carrière, il a été lieutenant. Alors on pense que c'est en Germanie, ce qui prouve sa grande connaissance de la Germanie. Mais après, il va faire les fonctions de questeur, d'édile, de prêteur, enfin toutes les fonctions du cursus honorum. Et ce qui prouve qu'il n'était pas suspect à Domitien, c'est qu'il a pu accomplir ses fonctions. Donc il faisait profil bas, ça certainement. Et puis, il survit empereur après empereur, vous en avez cité, puis on revient maintenant à celui qu'on entendait au tout début de l'émission, au grand Trajan, qui joue un rôle de protecteur pour Tacite. On a découvert, c'est grâce à Franck Olivard, une bonne vieille dramatique, comme on savait en faire. Dans la radio de chez nous, vous riez. C'était en 1958, avec dans le rôle de Fabius, François Mestre, dans le rôle de Trajan, Jacques Morel. On est autour de 100, ou un peu après 100. Oui. Buvons à l'amitié, Fabius. Je me réjouis de recevoir ce soir les meilleurs de mes amis. C'est un grand honneur pour moi que d'être compté parmi eux, Trajan. Je ferai tout pour le mériter. Pour cette bonne parole, je t'octroie une seconde coupe. Voici venir Pline et Tacite lui-même. Entrez, mes amis, entrez. Vous êtes le plus beau soir de ma vie. Trajan, notre joie est immense et notre fierté sans borne de voir, dès le jour de notre arrivée, ta porte s'ouvrir pour nous. Ce cher Pline, tu as mauvaise mine, mais tes phrases n'en sont pas plus courtes. Comment se porte Calpurnia ? Très bien, Seigneur, je te remercie. Ce cher Calpurnia, il suffit que ton mari me donne du Seigneur dans ses lettres. Ici, tu peux t'en dispenser. Quant à toi, mon cher Tacite, appelle-moi comme tu voudras, mais fais entendre ta voix. J'attendais mon tour. Il n'est pas bon de parler tous ensemble. Mes hommages à Plotine et à son époux. Le voilà qui salue ma femme avant moi. Décidément, aujourd'hui, j'aurais tout entendu. Figurez-vous que tout à l'heure, un heureux imbécile m'a donné du César. Et maintenant, prenez place autour de cette table et buvons à l'amitié. L'amitié, la simplicité, Trajan qui ne veut pas se faire appeler César. Ça vous plaît, Jacques Sigal, notre réalisateur? Oui. Trouve que c'est assez exact. Oui, c'est pas mal. Oui. Pline, alors il est temps. Enfin, ah, oui. De dire que Pline, le jeune, oui, et Tacite font la paire. Ah oui, tout à fait. Ils ont fait leurs études ensemble. Et Pline est aussi un provincial, puisqu'il vient de la plaine du Pô, lui, ce qui est une région extérieure à l'Italie romaine. Et c'est pas du tout le même tempérament que Tacite, parce qu'il est très mondain, très... même un peu précieux par moments, mais c'est vrai que Tacite et lui se sont liés d'amitié sur les bancs de l'école du rhéteur, c'est-à-dire alors qu'ils avaient une vingtaine d'années, pas plus. Et ils vont rester amis jusqu'à la fin de leur vie. Et Pline va, dans ses lettres, envoyer des compliments très grands à Tacite en disant que c'est le meilleur écrivain de l'époque. Trajan semble dire que ses phrases ne sont pas très courtes. Celle de Pline. Ah oui, parce que il est précieux, alors il a des phrases un peu emberlificotées, mais c'est quand même très intéressant pour connaître ce qu'était la Rome au début du deuxième siècle. Enfin, on a compris quand même que le latin de Tacite, lui, n'était pas facile non plus, et que c'est une des explications du fait que vous n'ayez traduit que 3 livres. Et que vous ayez repris en la notant davantage, en la toilettant un peu, la bonne vieille traduction d'Henri Gelzer, pour les histoires et les annales auxquelles nous allons en venir maintenant et qui déploient tout un panorama des désastres de l'Italie au 1er siècle. Des succès dans l'Orient, dans l'Occident des revers. L'Italie, désolée par des désastres nouveaux, des villes englouties ou renversées dans la plus riche contrée de la Campanie. Rome, dévastée par des incendies, nos plus anciens temples consumés, le Capitole même embrasé par la main des citoyens, nos plus saints mystères profanés, des adultères fameux, les mers se couvrant d'exilés, les rochers inondés de sang, des barbaries plus révoltantes dans Rome, la naissance, les richesses, l'acceptation ou le refus des honneurs, devenus des crimes, et la mort, l'infaillible partage des vertus. Les délateurs, non moins odieux par leurs récompenses que par leurs crimes, se partageant comme des dépouilles, les uns les sacerdoces et les consulats, d'autres les commandements au dehors, la puissance au dedans, menant, bouleversant tout, armant la haine ou la faiblesse des esclaves contre les maîtres, des affranchis contre les patrons et au défaut d'ennemis, les amis même. Et pour vivono solo, agnio de mar, tormenti, e le regie grandezze si vengono le pompe, e gli splendori. Couronnement de Poppée, de Monteverdi, les rochers et la pourpre inondée de sang et le pire, Sénèque, ici interprété par Ivan Garcia, l'incarnation de la morale sénatoriale contraint au suicide par l'empereur qu'il avait formé. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Tacite, Catherine Salle, notre invitée, a réuni dans la collection bouquins chez Lafon ses œuvres complètes. On fait l'ellipse sur Tibère, on en vient à ce que Tacite dit de Néron. Alors, vous dites que dans la méthode de Tacite, il est recommandé de ne pas exagérer. C'est-à-dire que lorsqu'on lit les historiens qui ont parlé de faits, des mêmes faits, comme Suétone, par exemple, ou Dion Cassius, qui est un historien grec, qui a fait toute une histoire romaine. On voit que souvent, c'est beaucoup plus exagéré que chez Tacite. Tacite essaie de trouver, quand il le peut, parce qu'il ne le fait pas toujours, essaie de trouver des excuses ou des explications qui font que le crime ou le... Enfin, ce n'est pas toujours le cas, hein, je le dis bien. Font que le crime n'est pas toujours aussi violent qu'on peut l'imaginer. Suétone, dont vous parlez, les vies des 12 Césars, il a un petit côté pince sans rire, il distille des anecdotes. C'est pas du tout le genre de Tacite qui aime, lui, en revanche, les grandes fresques. Tout à fait. Tout à fait. Suétone, on a dit qu'il raconte l'histoire en regardant par le trou de la serrure. Bon, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, ce sont des petits faits qui sont ajoutés les uns aux autres, dans des sous-chapitres de la vie du César en question. Mais c'est très difficile à utiliser parce qu'il n'y a jamais de date. Alors, on ne sait jamais de quand date le fait qu'il raconte. Tandis que Tacite, lui, il veut évoquer cette histoire de Rome dans des périodes particulièrement dures, sous la forme de grands tableaux qui, bien souvent, sont l'équivalent d'une tragédie. Alors, morceau de bravoure, vous insistez beaucoup dans les préfaces de chacun des livres que vous présentez dans les œuvres complètes sur les personnages féminins. Allez, l'assassinat d'Agrippine sur les ordres de Néron, sous le ciel étoilé, une tragédie en quatre actes. Sous le ciel étoilé, dans la baie de Naples, Agrippine qui vient de dîner avec son fils et qui s'embarque sur une galère que lui a généreusement prêté son fils, le fils en question ayant fait trafiquer la galère. C'est-à-dire que lorsque le bateau arrive en haute mer, il se disloque complètement. Et Agrippine est avec sa suivante. Et la suivante, croyant qu'on la sauvera en premier, dit « Je suis Agrippine, je suis Agrippine ». Et à ce moment-là, les marins lui tapent sur la tête avec leur rame et la font plonger. Agrippine a très bien compris. Elle sait nager. C'était quand même une dame qui n'était plus toute jeune. Elle va parcourir un bon trajet à la nage et aboutir sur le rivage. Mais ça ne servira pas à grand-chose, puisque Néron, qui est tenu au courant, il n'est pas très loin, Néron, de tout cela, fait envoyer des soldats qui vont transpercer le ventre d'Agrippine. Et c'est là où elle dira « Frappe là, frappe ce ventre qui a enfanté un monstre ». C'est déjà bien comme scène. Maintenant, je vous propose d'écouter le récit de Tacite concernant l'incendie de Rome. Scène pleine d'éclat, d'autant que Jacques Sigal, selon sa détestable habitude, y a joint des extraits d'un péplum. Quo vadis, donc c'est un vrai Tacito-panorama. On essuya cette année un désastre qu'on ne sut auquel attribuer du hasard ou bien de Néron. L'incendie commença dans la partie du cirque contiguë au mont Palatin et au mont Célius, ravageant d'abord tout ce qui était de niveau, puis s'élançant sur les hauteurs, et de là, redescendant encore, l'incendie prévint tous les remèdes par la rapidité du mal et par toutes les facilités qui donnaient des massifs énormes de maisons, des rues étroites, irrégulières et tortueuses, comme celles de l'ancienne Rome. Néron, pour consoler le peuple, errant sans asile, fit ouvrir le Champ de Mars, les monuments d'Agrippa et jusqu'à ses propres jardins. Mais il y avait un bruit universellement répandu. À l'instant même de l'embrasement de sa capitale, il était monté sur son théâtre et y avait chanté la destruction de Troie. Tigellin, ma robe de deuil. Terpnos, ma lyre. L'histoire jugera mon ode, Pétrone. Mais je n'oublie pas que j'ai pour rivaux ceux qui chantèrent l'incendie mortel de Troie. Je me dois de faire mieux encore, car Rome est plus grande que Troie. J'attendais cet instant où je vois de l'Olympe la lumière dorée qui me peigne, car je fais partie des immortels. Oui, c'est moi, Néron, l'artiste maître du feu, dont les rêves vont enfin prendre forme. Brûle ! Ça, c'était Covadis. Pour l'auteur du film, les responsabilités sont claires. Mais souvenez-vous de la petite phrase de Tacite. C'est écrit dans un drôle de français. Votre éditrice trouverait que c'est trop compliqué. Un désastre qu'on ne sait auquel attribuer du hasard ou de Néron. Il ne prend pas exactement position. Il ne prend pas parti. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, tous les historiens sont d'accord pour dire que Néron n'a rien eu à voir avec cet incendie. Il n'était pas à Rome, d'ailleurs, à ce moment-là. Il se trouvait à Ostie. Bon, c'est pas très loin, Ostie. Mais c'est pas lui qui a fait... S'il avait voulu voir un incendie pour son fameux poème, il aurait été là. En plus, ça a été la principale victime de cet incendie, puisqu'il avait des œuvres absolument extraordinaires et toutes ont été détruites. Non, c'est très certainement un incendie accidentel. Donc Tacite, il a l'intuition qu'en histoire, il faut distinguer le vrai du faux. Ah oui, oui, oui, ça il le dit quand même. Hein. C'est un des seuls à le dire. Et il a sans doute raison. Parce que je vous dis, actuellement, les historiens disent que Néron n'a pas mis le feu à Rome. Et qu'il faut écrire sans haine et sans fureur. Et sans fureur. Et ce qui a été important dans cette affaire, pour les historiens par la suite, c'est que ça a été la première persécution des chrétiens. Et du christianisme, il parle très brièvement. Mais revenons à des personnages autrement importants pour lui, et qu'on peut mettre en opposition avec Néron. On parlait tout à l'heure de son lointain successeur Domitien aussi. Il a une dilection pour les veilleurs, qui gardent le sens de la vertu de Rome. Et vous, une dilection pour les veilleuses. Ah, il y a un personnage que vous aimez bien. Oh, il y a beaucoup de personnages. Agrippine mérite son sort, mais Épicaris. Épicaris. Oh, c'est une petite jeune fille que j'aime beaucoup. Bon, même si, en fait, Tacite a dû l'aimer aussi parce qu'il quand même lui consacre au moins un chapitre entier. C'était une petite affranchie, prostituée, qui était l'amie, la petite amie d'un des conjurés de la conspiration de Pison qui a été découverte et qui visait à tuer Néron. Et tous les hommes qui ont été arrêtés à ce moment-là ont été plus abjects les uns que les autres. Lucain, le neveu de Sénèque, le grand écrivain, va dénoncer sa mère, hein, et sa mère sera exécutée. Et dans toute cette réunion d'hommes particulièrement lâches, exactement, se trouve cette petite Épicaris qui est l'amie. Et elle a été arrêtée avec les hommes. Elle ne veut révéler le nom de personne. On la passe à la torture parce qu'elle est affranchie, donc on peut la torturer. Le lendemain, on la ramène devant les juges. Et ne voulant pas avouée sous l'effet de la douleur, elle a ce geste extraordinaire, elle prend son soutien-gorge. À l'époque, les soutiens-gorges des femmes, c'était simplement une lanière, une bande qu'elles entourent, dont elles entouraient leur corps, et elle se pend en attachant le soutien-gorge en question au montant de la litière dans laquelle elle se trouvait. Pour ne pas avoir à parler. Pour ne pas avoir à parler. J'ai relevé l'histoire des hommes un peu plus tôt, dans l'histoire des dérives impériales, Germanicus, qui sous Tibère était autrement séduisant que... l'énigmatique et impopulaire empereur de Germanicus est très certainement embelli. Il avait été envoyé en Germanie pour réparer le désastre de Teutobourg. Cette nuit-là, Germanicus eut un songe qui le transporta de joie. Il se figura qu'il sacrifiait et que le sang des victimes ayant rejailli sur sa robe, il en avait reçu une plus belle des mains de son aïeul Augusta. Encouragé par ce présage avec lequel s'accordaient les auspices, il convoque les soldats, il leur représente tout ce que sa prudence leur a ménagé pour le succès de la bataille. Les plaines n'étaient pas le seul terrain convenable aux soldats romains. Les bois leur offraient autant d'avantages s'ils voulaient s'en servir. Les barbares avec leurs énormes boucliers et leurs longues lances, ne pouvaient, au milieu des troncs d'arbres et des rejetons qui couvraient la terre, agir aussi librement que les Romains avec leurs pilums, leurs épées et des armures serrées contre leur corps. Où on voit d'ailleurs l'importance chez Tacite, dont vous dites, Catherine Salle, qu'il cherche rationnellement à distinguer le vrai du faux, des rêves, des auspices. Il a été prêtre. Germanicus, c'est intéressant aussi parce que il œuvre dans une région à laquelle Tacite a consacré un livre entier que vous traduisez, la Germanie. Alors il y a les corrompus de l'Empire et les bons sauvages que seraient les Germains. Oui, la plupart sont de bons sauvages, c'est-à-dire qui n'ont pas, Tacite le dit dans la Germanie, est-ce que c'était vrai ou non, qu'ils n'ont pas le goût de l'or, des décorations, de tout ce que les Romains aimaient, et qu'eux, ils avaient des mœurs pures. Enfin, à côté de ça, il dit quand même que c'était des ivrognes, mais bon, et qui mangeaient beaucoup. Mais à côté de ça, ils n'ont pas les défauts des Romains. Ils n'ont pas d'affranchis, par exemple, comme avaient les Romains. Ils ne donnent pas de place aux affranchis comme donnaient les Romains. Il n'y a presque pas d'adultère. Il n'y a pas d'adultère parce que les femmes sont remarquables de pureté et ne trompent jamais leur mari. Il faut dire que si elles le trompaient, elles étaient punies en présence de tout le monde. On les tirait par les cheveux dans tout le village où elles habitaient, ce qui était quand même assez pénible. Elles étaient très courageuses au combat. Oui, parce que tous ces peuples du Nord combattaient avec les femmes. Les femmes étaient à leur côté. Elles étaient dans des chariots avec leurs enfants, généralement. Certaines combattaient. Et on voit que lorsque la bataille tourne en défaveur des Germains, elles se suicident. Il y a cette phrase extraordinaire dans les annales. Les vices ne font rire personne chez les Germains. Les Germains ne considèrent pas comme une mode le fait de corrompre et d'être corrompu. Les Allemands, enfin, les Allemands de la future Allemagne, Allemands, quand ils ont découvert ce texte, un petit peu avant la traduction de la Bible par Luther, si je peux faire le rapprochement, ils ont été extrêmement fiers. Tacite joue un grand rôle dans l'histoire du sentiment national allemand. Ah, tout à fait. Tacite a été, si on peut dire, le grand auteur des Allemands. Et au XIXe siècle, lorsque des gens comme Bismarck ou d'autres personnages historiques vont faire la réunification de tous les États qui vont constituer l'Allemagne, ils s'appuient sur Tacite. C'est le modèle de la réunification allemande, Tacite. Même si c'est pas tout à fait ça qu'il y a dans Tacite. Mais... Il sonne le glas de la grande histoire romaine et salue la naissance du peuple allemand. Et il est mort dans des circonstances qu'on ignore. On ne sait pas. Sa dernière fonction a été d'être gouverneur en Asie, c'est-à-dire en Asie mineure. Puis à partir de là, on n'a plus rien. Il a peut-être connu le début du règne d'Adrien. On ne sait pas. Donc le successeur de Trajan. Et on ne sait pas davantage d'ailleurs comment, puisqu'ils font la paire, il faut citer aussi son ami Pline le Jeune. Pline le Jeune disparaît à peu près en même temps, alors qu'il était lui aussi gouverneur en Bithynie. Mais vous nous aviez promis un petit peu d'obscurité. En voici, Catherine Salle, les œuvres complètes de Tacite dans la collection Bouquins chez Lafon, avec pour trois des livres une traduction de première main grâce à vous. L'émission a été réalisée, je l'ai dit, je crois déjà, par Jacques Sigal, à la technique Alexandre Abergel. Dans notre équipe, Claire Bellassène, Ninka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard.